De nouveau, bonsoir Jan-Evelyn Atwood. Bonsoir Urban Panoranda. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu l'écrivain américain James Baldwin, un documentaire consacré à la photographe Diane Arbus et à l'instant, Odile Conversé, non-voyante, raconter son histoire de spectatrice de film. Nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Jan-Evelyn Atwood, vous êtes aujourd'hui une photographe reconnue, récompensée par les prix internationaux les plus prestigieux. Vous êtes souvent invitée à participer à des jurys de festivals de photographie. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une photographie? Qu'est-ce qui fait l'intérêt d'une photographie? Qu'est-ce que c'est pour vous une photographie réussie? Ah, une photographie réussie, c'est une photographie qui m'émue, tout simplement. Moi, je m'en fous si c'est techniquement bien fait. D'ailleurs, ça compte pas beaucoup pour moi de tout. C'est vraiment une émotion une photographie qui te frappe comme ça, voilà. Vous enseignez la photographie, notamment à des collégiens. Est-ce que c'est une position que vous aimez? Oui et non. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. J'enseigne, je donne des stages, je dirais, mais je ne fais pas beaucoup dans l'année. 2 ou 3 dans l'année, c'est suffisant. Parce que si j'enseigne trop, et j'enseigne seulement Jan-Evelyn Atwood, j'enseigne pas la photographie en soi, j'enseigne une éthique de la photographie, j'enseigne ce que moi j'ai fait et ce qui marchait pour moi et ce qui n'a pas marché pour moi, parce que je pense que c'est ça qui peut aider quelqu'un d'autre. Mais si je fais ça trop, j'ai plus envie de faire des photos. Donc j'essaie de ne pas trop enseigner, entre guillemets, parce que je suis toujours en train de faire la prise de vue, moi, et j'espère de faire ça jusqu'à je peux plus marcher, jusqu'à je peux plus lever mon boîtier. Jan-Evelyn Atwood, vous avez choisi que Daniel Defferre ouvre cette deuxième partie de la nuit. Nous le retrouverons en 2000 au micro de Éric Favreau dans Continent Science. Comment présenter Daniel Defferre? Ah, Daniel Defferre, c'est un grand intellectuel, sociologue. Je pense, on peut dire qu'il est sociologue. Il est aussi un peu philosophe. Et c'est la personne qui a fondé l'association AIDE, qui était pour aider des familles avec des gens du sida. Il était par ailleurs le compagnon de Michel Foucault. Et d'ailleurs, c'était suite du décès de Michel Foucault où les choses étaient si mal, se sont si mal passées. C'était une des premières vedettes qui est morte du sida à Paris. Et Daniel Defferre a pris qu'est-ce que c'était parce qu'il a tombé sur un papier, sur un bureau et il a vu les mots écrits. C'est comme ça qu'il a appris que c'était le sida. Et enfin, il y avait d'autres choses aussi, mais c'était suite de ça qu'il a voulu tourner son deuil de son compagnon en quelque chose d'utile. Et c'était là où il a fondé AIDE. Et moi, j'ai rencontré Daniel parce qu'il était un ami de la personne que j'ai photographiée, Jean-Louis, pour l'histoire que j'ai fait. Jean-Louis, un homme atteint du sida. Qui était Jean-Louis? Alors Jean-Louis était la première personne en Europe entièrement en Europe, qui avait le courage de paraître dans la presse et sur la télévision, à la télévision, disant « j'ai le sida ». On était en 1987, on avait déjà eu énormément de morts, mais on n'avait pas encore vu une personne, le visage d'une personne atteinte du sida. Les gens avaient trop peur. Il y avait une paranoïa absolument féroce. On avait vu quelques photos qui venaient des États-Unis par un photographe qui s'appelle Alan Runninger, dont un des photos a gagné un World Press à l'époque. C'était une photo d'un jeune homme allongé sur un lit, une photo complètement nonchalant. Un homme qui parle au téléphone sur son lit avec torse nu, mais il était complètement couvert avec la kaposie, ces taches bruns qui fait partie des maladies opportunistes qui peut attaquer quelqu'un qui a le HIV. Et c'était une photographie qui choquait beaucoup de gens. En Europe, on n'avait pas vu quelqu'un en Europe avec cette maladie. Et mon idée, c'était de photographier quelqu'un qui vivait avec le sida pour montrer que c'est un être humain comme vous, comme moi, et qui dit « j'ai le sida, mais je continue ma vie le temps que je pouvais ». J'ai mis presque 1 an et demi à trouver Jean-Louis avec quelques fausses débuts. C'était très difficile. À un moment donné, je pensais que j'allais pas pouvoir faire le sujet, mais il fallait absolument le faire en France parce qu'en France, c'était où il y avait des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par cette maladie. Jean-Louis s'était présenté à moi par la sœur de ma meilleure amie. C'était une chance inouïe. La sœur de Véronique travaillait comme infirmière pour la HAD, hospitalisation à domicile, et son équipe s'occupait de Jean-Louis. Et quand elle parlait de lui, je demandais, est-ce que tu peux me le présenter? Tout de suite, c'était bon entre nous. J'ai eu deux personnes dans ma vie de photographe qui était magique. Le premier, c'était Blondine, et le deuxième, c'était Jean-Louis. C'était comme si on était fait l'une pour l'autre. Et quand j'ai rentré chez Louis pour la première fois, il était allongé sur son lit, déjà très, très maigre. Il avait été malade 3 ans, qui était en 1987, beaucoup, beaucoup de temps pour être malade et toujours vivant. Il n'y avait pas de traitement à l'époque. Il prenait le même traitement que Rock Hudson prenait, et on sait que ça servait à rien. Il était très maigre, très faible, et tout de suite, après qu'on a parlé un peu, il disait qu'il était d'accord pour cette histoire. Donc, je l'ai commencé à le photographier. J'allais chez lui tous les matins à 6 heures, quand sa journée commençait, et je faisais des photos. Très vite, c'était évident que si j'étais pas là 24 heures sur 24, j'aurais pas assez de photos, parce que des fois, il dormait toute la journée. Et j'apprenais le matin quand j'arrivais qu'il avait été debout toute la nuit, il n'y avait pas d'horaire. Donc j'ai arrêté tout ce que je faisais et je me suis installée chez lui. C'est la seule fois que j'ai fait ça en tant que photographe, mais c'était absolument nécessaire pour cette histoire, pour avoir assez de photos. Il m'a dit, vous savez, j'ai pas longtemps à vivre, est-ce que vous allez avoir assez de temps pour faire l'histoire que vous voulez faire? C'était vraiment bouleversant. Et je lui ai répondu, je ne sais pas, mais on va essayer. Et donc, tous les jours, on faisait des photos, quand il était massé, quand il mangeait, quand il était dans son lit, quand les gens lui visitaient, s'il recevait un piqûre ou une infirmière est venue, toutes les petites tâches quotidiennes, très, très banales, pour montrer monsieur tout le monde qui vit avec cette maladie. Et tout de suite s'est posée la question de la diffusion de ces images. Comment ça s'est-il passé avec Jean-Louis, avec sa famille et aussi avec le diffuseur, en l'occurrence Paris Match? Et pourquoi Jean-Louis a-t-il accepté de participer à ce reportage? Il a accepté de participer à ce reportage pour deux raisons, je pense. La première raison, c'est parce que quand il avait vécu 18 ans aux États-Unis, il a soupçonné lui-même qu'il avait le sida. Il était allé au médecin là-bas. Il disait, oh, non, don't be silly, vous n'avez pas ça. Mais lui, parce qu'il était dentiste, il était un peu dans le corps médical, il soupçonnait que c'était ça. Et quand le test était inventé, il est retourné en France, il s'est fait tester. Et bien sûr, il s'est testé positif. À ce moment-là, il décidait de rester en France et de se faire soigner en France. Il était affolé de voir que ses amis en France se protégeaient pas. Donc ça, c'était une des premières raisons qu'il voulait faire l'histoire, pour essayer de impressionner des gens de se protéger. Parce que le sida, c'était une maladie à ce moment-là qui était 100% mortelle, mais on n'était pas obligé de l'attraper. Il y avait des façons d'éviter la maladie. Et il voulait parler de ça. Et aussi, Jean-Louis n'était pas un artiste, il n'était pas écrivain, il n'était pas photographe, il n'avait pas une façon de s'exprimer sur la maladie qui était en train de le tuer. Et quand moi j'ai arrivé avec cette idée, voilà, il avait la possibilité de s'exprimer à travers ça. J'ai la prétention de dire qu'il a vécu plus longtemps à cause de ces photos-là. Il adorait être photographié. On a passé des longs moments ensemble, tous les jours et toutes les nuits pendant 4 mois, les derniers 4 mois de sa vie. Tu sais, quand quelqu'un est en train de mourir, et Jean-Louis était complètement lucide sur son état, il n'était pas du tout religieux, il savait que ses jours étaient numérotés, il était très curieux de voir comment ça allait se passer, la mort. Mais il croyait dans le reportage, hein. Et parce que il savait que il allait mourir, quand on parlait, il allait directement au but. On perdait pas du temps avec des choses frivoles, hein. On a eu toutes sortes de conversations, bien sûr, sur les États-Unis parce que c'était un pays qu'il adorait et que moi j'étais américaine. Et on est devenus très, très proches en 4 mois. Il était impératif pour vous comme pour lui que les photographies soient publiées avant sa disparition. Pour moi, c'était impératif, mais je ne savais pas si on allait arriver. vous savez, quand vous faites une histoire comme ça, quand vous faites n'importe quelle histoire, après, les photos en vide, elles toutes seules, les rédactions des magazines ont leur programme, etc. C'est très compliqué. Mais tout le monde a voulu les photos de quelqu'un avec le sida. Personne n'avait ces photos. Et j'étais presque complètement sûre que je pouvais vendre l'histoire. Et au fait, quand ça s'est vendu à Paris Match, j'avais écrit un texte et j'ai dit, vous pouvez avoir les photos, mais vous publiez mon texte aussi, parce que je ne voulais pas n'importe quelle parole avec ces photos. Et j'ai imposé ce texte, c'était le seul moment de ma vie de photographe où j'étais capable d'imposer un texte, je pense, dans une magazine. Et Match était quand même assez noble, parce qu'ils m'ont permis d'être là pour le bouclage de la magazine qui se passait toujours un lundi soir. Tous les 20 minutes, ils essayaient de changer quelque chose avec mon texte. Je pouvais voir le papier avec sida écrit sur le titre. Et j'ai rechangé des trucs pour que ça soit pas racoleur, que ça soit un vrai texte. Et finalement, vers 5h du matin, j'ai signé le bon à tirer. Et l'article est passé comme j'ai voulu. Qu'est-ce que c'est photographier un malade? Qu'est-ce que l'on photographie? La maladie, le quotidien de celui qui en est frappé, ou seulement et avant tout la vie telle qu'elle s'exprime là, dans des instants que l'on saisit? Jane-Evelyn Atwood. Tout ça, on photographie tout ça. En photographie, surtout moi, le photographe que je suis, j'essaie de saisir des changements de humour, un geste, une expression. Des yeux sont très importants pour moi, les mains aussi. Le langage du corps, body language, c'est très, très important. Ça veut tout dire, des fois. J'essaie de tout photographier, absolument tout. Et malgré tout, quelle que soit l'approche et la relation que l'on a avec son sujet, le geste photographique n'est-il pas toujours une violence faite à l'autre? Ça dépend de la relation qu'on a avec le photographe. Hein. Du début, j'ai essayé de lui dire que j'ai lui dit, écoutez, évidemment, je suis pas un monstre. Si à un moment donné c'est trop dur et vous voulez arrêter, on va arrêter. Mais je veux que vous réfléchissiez avant. Et que vous soyez sûr que vous voulez faire ce projet. Et il était absolument sûr. Il n'y avait pas de doute. Sa famille était contre, très contre ses photos. Il avait un frère qui venait de temps à autre et qui était vraiment violemment contre, je dirais. Il ne voulait pas que son frère soit vu, comme il l'a bien exprimé, comme ça, maigre comme ça. Mais Jean-Louis avait 43 ans. C'était un adulte. Il avait signé une autorisation. Il savait ce qu'il voulait faire. Sa mort lui appartenait, comme sa maladie lui appartenait. C'est lui la décision d'être photographié. Et même si c'était très difficile, des fois avec le frère, en fait, j'ai de la peine pour le frère parce qu'il a perdu son frère, quoi. On ne parle plus beaucoup du sida aujourd'hui, comme si cela appartenait au passé. C'est bien dommage parce que il y a de plus en plus de cas de sida aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de sida aujourd'hui. Justement, les gens pensent que c'est une affaire réglée. C'est loin d'être réglé. C'est vrai que la trithérapie a sauvé et continue à sauver beaucoup, beaucoup de gens. Il y a plus de gens avec le sida dans les hôpitaux. Ils peuvent être à la maison. Ils peuvent prendre leur traitement à la maison. On a fait énormément de progrès, mais ça reste toujours mortel. Hein? On peut vivre assez longtemps pour mourir d'autres choses, dans certains cas. Mais il y a des gens qui ne supportent pas la trithérapie. Moi, j'ai un ami qui est mort il y a quelques années parce qu'il ne supportait plus, c'était comme un empoisonnement. Et il est mort. Et il est mort du sida, au fait. Daniel Defer, c'est une vie de militant, c'est plus de 60 années d'engagement politique. Comme le rappelait Une vie politique, le livre que lui ont consacré Philippe Artière et Éric Favreau, vous voyez-vous comme une militante, Jane-Evelyn Atwood? Ça dépend du sujet. Je suis militante quand le sujet me demande d'être militante, quand je ne peux pas faire autre. Avec le sida, j'étais certainement très militante. Et d'ailleurs, je considère que ce travail sur Jean-Louis était mon première histoire militante. Après, les prisons, évidemment, étaient militantes, et après, les mines antipersonnelles. Mais il n'y avait rien de militant dans les prostituées, ni dans les aveugles, ni dans d'autres plus petits sujets que j'ai faits. Des fois, c'est un pur témoignage. Et est-ce qu'une photographie peut changer les choses? Oui, une photographie peut changer des choses. J'ai encore le privilège de pouvoir dire que j'ai 2 ou 3 photos qui ont changé les choses, notamment au niveau des prisons. J'ai une photo d'une femme dans une prison, dans une maison d'arrêt aux États-Unis, en train d'accoucher, menottée. Et je pense bien que j'étais le seul photographe qui a pu photographier cette scène-là. Et des années plus tard, Amnesty International a utilisé cette photo et 2 ou 3 autres de la même femme pour essayer d'arrêter la pratique de menotter et attacher aux pieds des femmes pendant le travail de l'accouchement. J'ai une autre photo faite dans une prison en Russie, des femmes dans les cages, dehors, c'était en guise de promenade. Après que cette photo a été publiée, Amnesty m'a dit qu'ils allaient inspecter la prison à cause de cette photo. La photographie a un grain de vérité. Et une photographie peut être une preuve que quelque chose existe. Même s'il semble que la photographie ne change rien, le fait que la photographie ait été prise n'est pas du tout négligeable. On sait qu'en 1997, aux États-Unis, ils menottaient des femmes enceintes en train d'accoucher. Et ça, c'est très important de savoir. La rue des Lombards, les aveugles, les prisons, vous avez besoin d'accorder beaucoup de temps pour mener à bien un projet. À quel moment jugez-vous qu'il faut arrêter, mettre un terme à un travail, à une histoire ? Quand j'ai assez. Quand j'ai assez et quand je pense que j'ai les photos qui traduisent ce que j'ai ressenti dans mon expérience avec ces gens-là. Ça peut durer 4 mois comme ça peut durer 10 ans. Les prisons duraient 10 ans. Le travail sur le sida, c'est le travail le plus court que j'ai fait. Malheureusement, ça s'est terminé parce que la personne que j'ai photographiée est décédée. J'espère que ça arrive jamais à d'autres photographes. C'est quelque chose de terrible. Mais je savais que ça allait probablement arriver comme ça. Le temps, je mets jamais un frein sur le temps. Le temps, c'est primordial pour moi. C'est le temps que le sujet mérite. On peut pas faire un sujet grand et profond comme les prisons, comme les sujets que j'ai faits à la va-vite. C'est pas juste de faire ça. Il faut donner le temps. Et en même temps, vous dites vous méfier de votre tendance à rester trop longtemps sur un même sujet, mais que le temps est nécessaire pour aller au-delà du stéréotype. Oui, je pense que c'est pour moi, c'est le temps est très important pour aller au-delà du stéréotype, mais c'est pas que je me méfie, c'est plutôt que ça me coûte plus cher parce que j'ai fait trop de photos à la fin. J'ai toujours peur que j'ai pas assez, donc je travaille un peu plus longtemps pour être sûr que j'ai assez. C'est comme ça, c'est pas grave. Jane-Evelyn Atwood, c'est avec Richard Kapuscinski que se poursuit votre programme. Nous l'entendrons en 2003 dans Cause commune au micro de Brice Couturier. Pourquoi avoir choisi Richard Kapuscinski ? Reconnaissez-vous chez lui aussi quelque chose de vous ? Absolument, j'étais absolument bouleversée quand j'ai lu ses livres. J'ai lu ses livres juste avant que j'aie fait Sentinelle de l'ombre, le travail sur les mines antipersonnelles. Kapuscinski, c'était un journaliste, mais qui était un écrivain. Un auteur, et moi je me vois comme un auteur. Je m'exprime avec des images et je m'exprime avec des textes quand je pense que le texte est nécessaire. Hein, c'est pas systématique. Et Kapuscinski, bien que journaliste, il écrivait comme on écrit un roman. Et il voyageait partout et écrivait ce qu'il voyait, ce qu'il expérimentait, ses peurs, ses joies, ses rencontres. Et je me suis identifiée totalement avec ça. Et je trouvais que c'était quelqu'un de magnifique. Dans l'entretien que nous écouterons, Kapuscinski parle de sa méthode de travail. Il insiste sur l'importance des lectures avant de se lancer dans un reportage, alors que vous préférez commencer à travailler sur un sujet en connaissant très très peu de choses. Parce que je ne connais pas le sujet. Hein. Je suis curieuse sur tel ou tel sujet et c'est pour cela. Et je ne le connais pas et c'est pour cela que je veux l'attaquer, je veux le faire. Mais ce n'est pas vrai que je ne fais pas de recherche. Je fais beaucoup, beaucoup de recherche parce qu'il faut savoir où j'y vais. Il faut avoir une certaine information pour être en sécurité d'abord et aussi pour avoir les bons endroits. Qu'est-ce qui oppose, qu'est-ce qui sépare le travail d'un reporter de l'écrit de celui d'un reporter de l'image? Well, one thing is le boîtier. un reporter d'écrit, il peut entrer ou nous, on ne peut pas entrer. You know? Malheureusement. Mais l'image, bon, le débat, est-ce que l'image est plus forte que l'écriture? Moi, je pense que pas forcément, mais ça donne quand même une, comme j'ai déjà dit, un grain de vérité. Quand on voit une photo et on dit, c'est, oui, c'était comme ça, on peut croire que c'était comme ça. Quelqu'un qui écrit, on peut toujours dire, ah oui, mais il a fabriqué des choses. Hein. Voilà. Comment vous jugez-vous la place de la photographie dans les médias d'information aujourd'hui? Well, c'est très bafoué en ce moment parce qu'il y a beaucoup de photos et beaucoup trop de photos. Ça se passe beaucoup trop vite. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'analyse. Une boulimie d'images qui nous saoule vraiment. Il faut pouvoir sortir de là les images qui sont réellement importantes, les images qui ne sont pas superficielle, et je parle des images qui sont dans les histoires à longue haleine. Évidemment, le news, c'est quelque chose de différent. Le news reste comme c'était avant. On a besoin des photos tout de suite sur un événement pour montrer, voilà, cet événement, c'était ça. Mais je parle des histoires éditoriaux, comme moi je fais, comme des collègues font. Et pour cela, il faut avoir une rigueur, il faut couper. Il faut « less is more », je dis toujours à mes élèves, « less is more ». De quel reporter photo vous sentez-vous proche? Oh là là, à beaucoup, mais je sûrement d'un travail que chacun a fait, il y a personne, sauf Diane Arbus, qui m'a satisfait complètement, je dirais. Mais je suis aussi très, très, je trouve très, très fort tout le travail de Gilles Pérez. Qu'est-ce qui pousse un Kapuscinski ou une Jane Evelyn Atwood à parcourir le monde? La curiosité. La curiosité et la passion. Voilà. Kapuscinski était un journaliste reporter polonais, né en Pologne en 1932. Vous êtes, vous, américaine. Vous voyez-vous comme une photographe américaine? Non. Je ne suis pas... J'ai pas de frontières, moi. Je me vois comme une photographe tout court. Maintenant, je suis aussi française. J'ai pu voter pour la première fois. Je suis, j'ai la double nationalité. Ça me donne deux passeports. Peut-être ça va être plus facile pour moi de voyager comme ça. Bien que les deux passeports maintenant sont détestés dans le monde entier. Mais bon, je suis une femme et je suis une photographe. Jane Evelyn Atwood, c'est avec le romancier et poète haïtien Lionel Trouillot que vous avez choisi que se termine votre nuit rêvée. Pour clore votre programme, nous l'écouterons dans Sarimakwa de Sophie Nolo en 2009. Vous avez consacré un livre à Haïti avec des photos prises entre 2005 et 2007. Pourquoi avoir demandé à Lionel Trouillot d'en écrire la préface? Actually, it's 2005 et 2008. C'était une erreur de ma part dans le livre. Ça doit être 2008. J'ai demandé à Lionel Trouillot parce que j'avais pas envie d'écrire avec ces photos. Comme je vous ai dit plus tôt, ce sont des photos de la rue. Et peut-être parce que j'avais pas établi une relation avec la plupart des gens dans ce livre, c'est pas que j'avais rien à dire, parce qu'au fait, j'ai écrit pas mal de choses, mais j'ai pas voulu utiliser ça pour le livre. J'ai voulu que ça soit un langage d'image à propos de la couleur, le contraste, les angles, le soleil, les ombres, tout ça. Vraiment, la raison que je poussais le bouton, c'était à cause de la couleur, dans ce cas. Et évidemment, le contenu est là, parce que je peux pas éviter ça. Mais c'est un livre à propos de la couleur. Et j'ai pensé aussi, ça serait très intéressant d'avoir des paroles d'un Haïtien. Le Haïti, c'est un pays qui est à genoux depuis très très longtemps, même longtemps avant le tremblement de terre. Hein. Et malgré cela, ils ont une grande culture de musique, de écriture, de peinture. Ils ont une culture extraordinaire et je me suis dit que je serais ravie d'avoir un voix haïtien marié avec des images de moi. Et donc j'ai commencé à lire les livres des écrivains haïtiens et j'ai tombé sur Lionel Trouillot et j'adorais tout simplement son écriture. Je trouvais que ça chantait, que c'était très très beau et qu'il disait des choses intéressantes. Et donc, j'ai trouvé son adresse, j'ai fait un rendez-vous et je suis allée me présenter et j'ai demandé « Est-ce que vous voulez écrire pour moi ?» Et il a dit oui. Lionel Trouillot dit d'ailleurs capter des instants et que l'écriture lui permet de les re-regarder, comme de la photographie au fond. Oui, tout à fait. Je dirais la même chose. La photographie peut-elle se passer de mots, Jane Evelyn Atwood ? Se passer de mots ? Ça veut dire quoi ? Qu'il n'y ait pas de mots, de légende. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans Haïti, il n'y a pas de légende. Rue des Lombards, il n'y a pas de légende. Le sujet que je fais maintenant, qui est complètement différent des autres, je ne crois pas qu'il y aura des légendes. Ça dépend. Moi, je mets des légendes quand vraiment la légende est pertinente et a quelque chose à donner qui n'existe pas dans la photo. Par exemple, la femme qui a étranglé ses deux enfants dans le livre Trop de peine, il fallait le marquer dans la légende. Autrement, on ne sait pas qu'elle a fait ça. Et il faut qu'on sait qu'une femme est allée dans une si grande détresse qu'elle était capable de tuer ses enfants. C'était très important. Aussi, toutes ces femmes que j'ai photographiées en prison n'avaient pas une voix. Donc, leur voix est devenue les légendes des photos. Ça, c'est leur voix. Donc, il fallait faire ça. Même chose avec les mines antipersonnelles. Il fallait les légendes, absolument. Vous, photographe, dites « L'écriture ne m'a jamais quitté », alors que Lionel Trouillot, écrivain, dit lui « J'écris avec le regard ». Si l'on croise vos deux paroles, que trouve-t-on ? Des histoires racontées ? Oui, des histoires racontées et vues et lues. Dans son texte de présentation, Lionel Trouillot écrit « On ne photographie pas un pays ». Selon lui, un pays est un ensemble impossible. Et il dit précisément que vous avez réussi à rendre compte de cet ensemble impossible à travers les fragments que vous en avez saisis. Êtes-vous d'accord avec le regard qu'il porte sur votre travail ? En somme, ça revient à dire qu'on peut photographier un pays à condition d'avoir conscience qu'il est impossible de le faire. Tout à fait. Et c'est un grand compliment qu'il me fait. J'étais très émue quand j'ai lu ces phrases. Surtout un pays comme Haïti, on peut pas le photographier. C'est un pays tellement fou, on n'arrive pas à le contenir avec des images ou avec des paroles. Hein. C'est des fragments qui vont faire une sorte de patchwork, qui vont donner une idée, un sentiment, un feeling de qu'est-ce que c'est ce pays si fou. Et Lionel Trouillot souligne la modestie de vos photographies. Qu'est-ce que c'est que cette modestie, selon vous ? Oh, il faut lui demander. C'est pas pour moi de parler de ça. Et comment aborde-t-on un travail dans un pays que l'on ne connaît pas, dans lequel on débarque ? Logistiquement, vous voulez ? Oui, quand on a un pays qu'on ne connaît pas, pour la première fois, comme Haïti, par exemple. Well, pour moi, c'était très important d'avoir ce qu'ils appellent un fixeur. C'est quelqu'un qui est un guide, un traducteur aussi. Je parle pas créole, même si c'est assez facile d'apprendre. Il fallait que je pouvais communiquer avec des gens. Et aussi, c'était assez dangereux les années que j'étais à Haïti. Il fallait que je sache où je devais pas aller, où je pouvais aller, sans trop de risques. Tout ça, c'est très important. Hein. Il faut faire un travail avant pour te sécuriser dans tel ou tel pays. Hein. Le travail que vous avez fait à Haïti est le seul, donc, avec celui que vous avez fait sur la Légion étrangère, à être un travail en couleur. Pourquoi privilégiez-vous le noir et blanc habituellement ? Jean-Louis était en couleur. Ah oui, Jean-Louis aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'à Haïti, c'est vraiment le seul qui était réellement un travail de couleur, comme j'ai déjà expliqué. Hein. La légende, j'ai fait en couleur, mais c'est un travail noir et blanc avec de couleur dans le boîtier. Hein. Mais ce n'est pas un vrai travail couleur. Je privilégiais le noir et blanc. Je privilégiais le noir et blanc, oui et non. C'est le sujet qui va me demander de faire soit le noir et blanc, soit la couleur, si c'est un sujet personnel, j'entends. Les commandes, c'est autre chose. Il te dit comment il veut que vous travaillez. Mais le travail personnel, je sens, ah oui, c'est du noir et blanc. Les prisons, c'était automatiquement noir et blanc. Hein. Il n'y avait pas de couleur. Et même dans une prison en Inde où j'étais, où c'était beaucoup, beaucoup de couleurs, ça restait toujours dans ma tête noir et blanc. Parce que c'était l'incarcération. Pour les amateurs de photographie, comment travaillez-vous habituellement ? Avec quel matériel ? Avec un appareil, plusieurs appareils, avec de la lumière, sans lumière ? En tout cas, toujours en argentique. Toujours en argentique. Et si je dois travailler en digital, j'utilise l'iPhone, le gros iPhone. Mais je travaille avec deux boîtiers M7 Leica, avec un 50 mm et un 35 mm. Et je travaille comme ça depuis très très longtemps maintenant. En prison, j'ai utilisé pas mal de flash parce que c'était nécessaire. J'étais souvent dans les couloirs sombres et tout ça, dans les cellules. Il fallait avoir un flash. Et pour le flash, j'avais une petite canon sur laquelle j'ai mis le flash. Mais je crois que j'ai pas utilisé le flash depuis la prison. Pour vous dire, j'aime pas utiliser le flash si je peux l'éviter et j'utilise beaucoup la lumière disponible. J'adore ce jeu de lumière et c'est un challenge pour moi de trouver cette lumière et de pouvoir l'utiliser correctement. Chose que j'ai appris rue des Lombards, c'était un cadeau qui avait seulement une ampoule. C'est là où j'ai appris la lumière et l'absence de lumière et ça m'a beaucoup servi. Au cours de cette nuit, nous avons évoqué donc plusieurs de vos ouvrages, comme Haïti, édité par Actes Sud, Rue des Lombards par Xavier Barral. Suivez-vous avec attention l'édition de vos photographies, la manière dont elles sont transmises au public? Est-ce que c'est important pour vous? Non, je suis pas trop. J'ai des échos, mais je sais pas combien de livres sont vendus. Je m'occupe pas de ça. Non, mais l'édition, plutôt le travail d'édition des livres. Ah, quand le livre est fait, oui, bien sûr. La fabrication. Absolument, jusqu'à A jusqu'à Z, oui, tout à fait, tout à fait. Certains livres, Haïti, j'ai fait moi-même, complètement. Xavier Barral, qui est un génie, c'était absolument génial de travailler avec lui. C'est lui qui a fait la mise en page, mais j'étais impliqué dans chaque choix, chaque photo. On a argumenté deux ou trois fois sur certaines photos. On n'a jamais disputé. On a trouvé la couverture ensemble. On était parfaitement synchronisés parce qu'on avait exactement le même goût, je dirais. Et moi, j'ai tout à fait confiance en lui. Si j'avais pas été là, le livre aurait été exactement pareil et très, très beau. Merci Geneviève Atwood. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée. Après avoir écouté Daniel Defer dans Continent Science de Éric Favreau en 2000, Richard Kapuscinski dans Cause commune au micro de Brice Couturier en 2003 et enfin Lionel Trouillot dans Sarimakwa de Sophie Nolo en 2009. Geneviève Atwood, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.